Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence de Jury Travail à destination des élus de CSE et des délégués syndicaux. Nous allons aborder aujourd'hui l'épineuse mission que nous avons à mener lorsqu'on assiste un salarié lors d'une procédure disciplinaire. Donc moi, je suis Myriam Victor, chargée des CSE chez Jury Travail et je suis moi-même élue de CSE et déléguée syndicale. Donc c'est une situation à laquelle j'ai été moi-même confrontée et je vous présente Gwenaël Petit, donc, qui est un juriste expert chez Jury Travail. Bonjour Gwenaël et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Alors, quelques mots pour présenter à celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas encore Jury Travail. Donc, Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans. C'est une équipe de 50 juristes, tous Bac plus 5, qui décryptent pour vous l'actualité juridique et qui rédigent des dossiers et des modèles pour vous aider au quotidien. Certains de nos juristes, comme Gwenaël, par exemple, répondent à vos questions au téléphone et vous accompagnent dans toutes vos démarches tout au long de votre mandat. Et Jury Travail, c'est plus de 3 000 abonnés qui utilisent nos services au quotidien. Donc, nos accompagnements juridiques, pardon, nous avons deux formules qui vous donnent accès donc, à notre équipe de juristes, à l'intégralité de notre base documentaire, donc l'intégralité de nos dossiers, de nos modèles de lettres et nos contrats. Et vous avez également accès à votre convention collective. Alors, quelques mots pour présenter un petit peu ce sujet de l'assistance d'un salarié, et c'est ce que nous développerons ensemble au cours de la webconférence. Donc, avant l'entretien, il faut d'abord vérifier que la procédure est bien respectée. Il faut préparer l'entretien avec le salarié et donc bien l'écouter à ce moment-là. Ensuite vient le moment de l'assistance proprement dite au cours de l'entretien. Vous jouerez le rôle de témoin en rendant votre compte-rendu. Et le petit conseil que je peux vous donner également, c'est de bien suivre le dossier. Parce que si on ne garde pas le contact avec les salariés, on ne sait pas quelle suite a eu leur dossier. Alors, rentrons un petit peu plus dans le sujet. Donc, nous verrons tout d'abord le déroulement d'un licenciement. Ensuite, nous ferons une petite séance de vrai-faux, ce qu'affectionne particulièrement Gwenaël, sur l'assistance d'un salarié. Nous verrons comment préparer l'entretien préalable au licenciement et ensuite comment se déroule l'entretien et les actions, à mener après. Alors, nous avons prévu également un petit sondage fil rouge que je vais publier immédiatement. Donc, vous le trouverez dans l'onglet sondage en bas de votre écran. Alors, j'espère que vous voyez le sondage. Si quelqu'un pouvait me le confirmer, ce serait parfait. Moi, je te confirme que de mon côté, je le vois bien. OK, parfait, merci beaucoup. Donc, ce sondage, Gwenaël donnera la réponse à l'issue de la webconférence. Donc, est-ce que la DRH d'une filiale de l'entreprise peut assister l'employeur lors de l'entretien préalable? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Et donc, rendez-vous à la fin de la webconférence pour avoir la réponse. Alors, au cours de cette webconférence, vous pourrez également nous soumettre vos questions. Donc, je vous invite vraiment à utiliser l'onglet questions qui est juste à côté l'onglet sondage pour les poser et nous essaierons d'en prendre quelques-unes pour y répondre à la fin de la webconférence. Alors, commençons par une première question. Dans quel cas un salarié peut-il se faire assister et par qui? Alors, du coup, pour répondre à cette question, il va y avoir trois grandes thématiques pour lesquelles, effectivement, le salarié peut se faire assister. Il va y avoir, lors de l'entretien préalable en vue d'un licenciement, il y a également lors de l'entretien pour la procédure de négociation pour une rupture conventionnelle, et il y a également l'entretien en vue d'une sanction disciplinaire. Nous verrons un petit peu plus tard dans la webconférence que toutes les sanctions disciplinaires ne permettent pas d'être assistées par justement des délégués syndicaux, des représentants du personnel ou des conseillers. Et justement, qui peut y assister? Ben, je viens de les dire, hein. Ça va être en priorité des personnes de l'entreprise, donc des représentants du personnel de manière générale, ou alors si vraiment dans l'entreprise, il y a un défaut de représentativité, dans ce cas-là, le salarié peut se faire assister par un conseiller du salarié qui peut trouver justement, donc une liste départementale est prévue soit en mairie, soit auprès de l'inspection du travail. Voilà. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais au début, il est important de vérifier que les procédures sont correctement respectées. Quelle est la procédure de licenciement? Et est-ce que tu peux nous rappeler quels délais doivent respecter les employeurs? Alors, je fais juste un tout petit aparté. La procédure qu'on va voir ensemble, c'est la procédure classique. Pour des questions de procédure un peu techniques comme la procédure de licenciement pour inaptitude ou économique, il y a des choses un petit peu particulières. Et là, je vous inviterai effectivement à nous envoyer directement vos questions si vous êtes confronté à cette situation. Mais dans le cas d'une procédure de licenciement classique, ça va se procéder en trois grandes matières. Il va y avoir la convocation à un entretien préalable. Donc, la convocation, elle va contenir l'objet de l'entretien, la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle va indiquer justement dans cette lettre la possibilité pour le salarié d'être assisté lors de l'entretien. Ensuite, une fois que le salarié a reçu cette lettre de convocation, il va y avoir un délai de 5 jours ouvrables entre la lettre et l'entretien préalable. 5 jours minimum. Hein. Une fois arrivé effectivement à ces 5 jours, il va y avoir la convocation à l'entretien préalable. Le but de cette démarche, ça va être l'employeur ou à son représentant de recevoir justement le salarié et la personne qui va l'assister s'il décide de se faire assister. L'employeur va exposer grossièrement les motifs qu'il reproche justement au salarié et la décision qu'il envisage de faire. Il va ensuite recueillir les explications du salarié. Et enfin, il va avoir à la fin du coup de la procédure de l'entretien une décision qui va être potentiellement donnée par l'employeur. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'entretien préalable, le salarié n'a aucune obligation d'y assister. C'est toujours préférable et on verra pourquoi tout à l'heure, on détaillera avec Myriam. Mais voilà, en aucun cas, il n'a l'obligation d'y assister. Et sachant que son absence ne va pas stopper du coup la procédure. La procédure de licenciement va continuer, qu'il soit là ou non. Une fois que l'entretien préalable a eu lieu, entre 2 jours et 1 mois à compter de cet entretien, l'employeur devra notifier par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié la décision qu'il compte faire du coup à cette suite de licenciement. Généralement, la notification de licenciement va contenir le motif du coup du licenciement et tout ce qui a été prévu lors de cet entretien. 2 jours minimum et 1 jour maximum. Si c'est donné avant ou si c'est donné après ce délai-là, la procédure n'est pas bonne. Et dans ce cas-là, il y aura potentiellement une contestation à faire. Petit détail que je voudrais rajouter, c'est que si la lettre de notification de licenciement n'est pas assez explicite, le salarié a la possibilité de demander des explications plus précises à nos employeurs dans un délai de 15 jours. Et l'employeur a lui-même 15 jours supplémentaires pour lui répondre. Très bien, merci beaucoup. Alors, dans certains cas, les employeurs procèdent à une mise à pied conservatoire. Quelle conclusion peut-on en tirer sur la suite que souhaite donner l'employeur? Y a-t-il d'autres nouveaux délais à respecter dans ce genre de cas? Alors, pareil, je vais faire une petite aparté. Il faut quand même faire la distinction entre une mise à pied conservatoire et une mise à pied disciplinaire. Tout à Le but fait. de la mise à pied disciplinaire, c'est effectivement une sanction qui va être donnée suite à un acte que le salarié aurait fait. Et donc, suite à la mise à pied disciplinaire, il n'y aura pas d'autres sanctions qui seront prises concernant le fait concerné. À la différence du coup de la mise à pied disciplinaire, la mise à pied conservatoire en elle-même n'est pas une sanction disciplinaire. C'est une prise, une sorte de sanction à titre préventif. Si les faits reprochés aux salariés sont suffisamment graves et qu'elles ne permettent pas aux salariés de rester dans l'entreprise, la mise à pied conservatoire sera nécessaire. Et du coup, ça permettra à l'employeur de décider du sort justement de ce collaborateur, sachant que la mise à pied conservatoire va entraîner une suspension du contrat. Les délais. Alors les délais, l'employeur, il a un délai de 2 mois entre la faute et la sanction. C'est ce qui est prévu justement par la jurisprudence. Et au-delà de ce délai de 2 mois, la mise à pied ne sera pas justifiée. Ensuite, une petite chose à préciser, c'est que entre la mise à pied conservatoire et l'entretien, parce que c'est ça qui va effectivement découler de la mise à pied conservatoire, ça va être un entretien préalable en vue d'un licenciement. Cette mise à pied conservatoire et l'entretien, il y a un délai minimum qui doit être respecté et c'est un délai raisonnable et bref. En effet, la jurisprudence, elle a pu trancher dans différentes situations que des délais de 7 jours, même 13 jours, sont considérés comme des délais abusifs entre la mise à pied conservatoire et l'entretien préalable. Donc, généralement, quand vous fournissez effectivement une lettre de mise à pied conservatoire, vous fixez le rendez-vous quasiment dans la foulée, dans les jours qui viennent. Et ensuite, bah, comme la procédure qu'on a vue juste avant, si les faits reprochés sont suffisamment graves, on va découler sur un licenciement. Si par contre les faits, ou alors vous décidez de revenir sur le licenciement, dans ce cas-là, la mise à pied conservatoire, vu qu'elle n'est pas une sanction disciplinaire, n'aura aucun effet. Il y aura une rétribution du salaire pour le salarié et après, on reste comme si de rien n'était. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va faire une petite parenthèse là encore, parce que comme tu le disais dans ta réponse à ma première question, un salarié peut également se faire assister dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Peux-tu nous rappeler brièvement quelle est la procédure de la rupture conventionnelle et que peut négocier le salarié et la personne qui l'assiste? Bah alors, on va pas rentrer dans les détails puisque sinon je vous renvoie à la webconférence que Lucas a pu faire en début d'année. Mais concrètement, une rupture conventionnelle, comment ça se passe? L'employeur ou le salarié propose une rupture conventionnelle à l'autre cocontractant, sachant que la demande se fait par tout moyen, mais pour une question de preuve, on a privilégié quand même l'écrit. Une fois que les deux parties ont émis leur accord pour une rupture conventionnelle, il va y avoir au moins un entretien pour négocier effectivement certaines choses. À la fin de cet entretien, il va découler ce qu'on appelle un accord de rupture conventionnelle. Une fois l'accord de rupture conventionnelle effectué, il va y avoir un délai de rétractation pour les deux parties de 15 jours calendaires. Une fois ce délai de rétractation terminé, la partie la plus diligente, généralement l'employeur et plus précisément son comptable, va envoyer la rupture conventionnelle à l'inspection du travail qui va ensuite l'homologuer. L'homologation, généralement, c'est 15 jours max. Et une fois que l'inspection du travail aura donné son retour, la rupture conventionnelle aura effet le jour même. Et donc, du coup, ce qui va en découler en découlera. Qu'est-ce qu'on négocie? Alors, on va négocier deux grandes thématiques, deux grandes choses. On va négocier effectivement l'indemnité de départ, puisque dans le cas d'une rupture conventionnelle, on va avoir l'indemnité minimum de licenciement. Mais ça, c'est un minimum. Après, vu qu'on est dans le cadre d'une négociation, d'une rupture conventionnelle, tout se négocie. On peut négocier plus, beaucoup plus peut-être, mais on ne pourra pas négocier moins que l'indemnité minimum. Autre chose qui est possible de négocier, ça peut être également la date de départ. En effet, la rupture conventionnelle, elle a un effet immédiat. En théorie, il n'y a pas de préavis. Maintenant, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, une date de départ différée par rapport à la rupture conventionnelle peut être négociée. Mais encore une fois, vu qu'on est dans le cadre de la négociation et de la rupture conventionnelle, ça ne peut pas s'imposer à l'autre. Si l'une des parties n'est pas d'accord, l'entretien se termine et il n'y aura pas de rupture conventionnelle. En effet, c'est effectivement le principe. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Alors, nous allons procéder au petit jeu que tu aimes tant, le petit vrai-faux, donc cette fois-ci sur l'assistance d'un salarié. L'employeur doit-il convoquer la personne qui assistera le salarié à l'entretien ? Alors, non, puisqu'en fait, il n'y a aucune obligation légale pour l'employeur de convoquer la personne qui va assister le salarié. En effet, l'article R1232-2 du Code du travail précise que c'est le salarié qui souhaite se faire assister lors de l'entretien. Et bien, c'est ce salarié qui va transmettre à la personne qui va l'assister la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Mais sinon, ce n'est pas l'employeur qui le fait. L'employeur, lui, a l'obligation de convoquer la personne qui va être concernée par l'entretien, mais pas la personne qui va l'assister. Merci beaucoup. Alors, le salarié qui souhaite se faire assister lors d'un entretien, doit-il, lui, en informer son employeur ? Alors, le salarié qui va souhaiter justement se faire assister donc lors de l'entretien, oui, il doit avertir l'employeur. C'est le même article que je vous ai cité juste avant. C'est le deuxième paragraphe. Le salarié doit informer l'employeur de sa démarche de se faire assister. S'il ne l'avertit pas, l'employeur pourra refuser la personne qui assistera l'employé. Mais il doit l'avertir. Merci beaucoup. Alors, le salarié ne peut pas demander l'assistance d'un conseiller extérieur pour un entretien ouvrant à une sanction autre qu'un licenciement. Tu as déjà partiellement répondu tout à l'heure. Mais justement, on va préciser parce que du coup, le propos est à nuancer, c'est à la fois oui et non. Dans le cadre d'une sanction qui va surtout toucher, qui va avoir une incidence immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière, sa rémunération, ce sont des sanctions qui permettent aux salariés d'être assistés à un entretien, lors de l'entretien, par une personne de l'entreprise. C'est ce que prévoit l'article 1332-2. Et donc, du coup, par syllogisme, toutes les sanctions telles qu'un avertissement ou toute autre sanction qui ne touchera pas du coup à la carrière, à le contrat, etc., et bah, du coup, le salarié ne peut pas être assisté. Alors, du coup, les sanctions peuvent être vastes, tout dépend de ce qui est prévu dans le règlement intérieur. Mais voilà, grossièrement, si ça touche au salaire ou à la carrière, il peut être assisté. Sinon, il ne peut pas l'être. Voilà. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Là aussi, tu avais partiellement répondu. Alors, oui, vous allez voir, c'est un peu plus nuancé que ça également. en gros, le salarié peut se faire assister par une personne de l'entreprise, mais ce sont en fait des personnes représentatives. Ça va être effectivement donc des représentants du personnel, donc qui sont élus au CSE, ou alors effectivement s'il y a un défaut d'instance dans l'entreprise, donc c'est surtout les entreprises de moins de 11 salariés, il peut se faire assister par un collègue effectivement de travail, mais on privilégiera quand même les conseillers du salarié qui sont experts du coup dans cette thématique et dans le rôle d'assistance du salarié. Mais voilà, concrètement, c'est trois types de personnes qui peuvent assister le salarié. Merci beaucoup. Et ça, c'est une dernière question et je l'ai entendue très souvent, celle-ci. L'employeur peut-il se faire assister si le salarié vient seul à l'entretien ? Alors, dans la théorie, oui, puisque la Cour d'appel de Bordeaux le rappelle lors d'un arrêt du 23 mars 2022, le fait que le salarié refuse d'être assisté lors de son entretien ne prive pas l'employeur d'être lui-même assisté. Mais il y a quand même une nuance à apporter. Son assistance, le salarié, ne doit pas en fait détourner le licenciement de sa nature propre justement à un entretien classique. En effet, il va y avoir une présomption rappelée par un arrêt de la Cour de cassation de 2010 qui dit que dans le cadre d'une multitude de personnes du côté employeur, il va y avoir une présomption qui dit que l'entretien sera effectivement transformé donc d'un entretien en licenciement à une enquête. Et dans cette situation, la procédure de licenciement est irrégulière. Il faudra que l'employeur justifie que l'assistance de la personne avec qui il était soit justifiée et que ce licenciement ne soit pas détourné. Mais voilà, en théorie, il peut, mais attention à ce que le licenciement ne soit pas détourné. Merci beaucoup. Alors, passons maintenant à la préparation de l'entretien préalable au licenciement, qui est l'entretien le plus fréquent auquel des élus de CSE sont amenés à assister un salarié, l'employeur est-il tenu de mentionner les faits qu'il reproche au salarié dans la lettre de convocation ? Alors, ben non. Non, non, comme on l'a vu précédemment, l'employeur, il a juste l'obligation de mentionner le motif. Donc, si ça va être un entretien en vue d'un licenciement, c'est le motif. Il n'y a pas besoin de préciser plus. La date, l'heure et le lieu. Et donc, du coup, outre ces limites-là, l'employeur a la possibilité, hein, c'est pas parce qu'il n'est pas obligé qu'il ne peut pas le faire, mais il n'a pas l'obligation, du coup, de mentionner les motifs. Et du coup, toi, Myriam, de ton expérience, qu'est-ce que ça a pu donner, cette absence de mention de motif lors de la préparation à l'entretien préalable ? Qu'est-ce que tu as pu voir, toi, de ton côté ? Mais c'est très problématique à gérer. Et je pense notamment à deux cas qui se sont produits. Le premier cas... Là, j'ai envie de dire, c'est un peu aussi la responsabilité du salarié qui aurait dû être capable de me prévenir et de me dire ce qui lui était reproché, puisqu'elle avait eu de nombreux mails de recadrage en termes d'insuffisance professionnelle, mais pour elle, elle ne voyait aucune raison qui pourrait entraîner un licenciement la concernant. Et ben, ça a été très compliqué, du coup, de la défendre ensuite, enfin parce que la préparation était quand même bien faussée. Et un autre cas où du coup j'avais un peu aussi surréagi justement par rapport au cas de cette salariée qui avait été incapable de me dire ce qui potentiellement pouvait lui être reproché. Il y a une autre salariée qui ne voyait pas du tout ce qu'on allait lui reprocher. On a éliminé un nombre de cas, de possibilités absolument invraisemblables. Je me suis même retrouvée à lui poser des questions gênantes parce qu'on était en pleine phase de Covid. Il lui manquait du matériel pour travailler en télétravail. Elle a été autorisée de manière exceptionnelle à accéder aux locaux pour récupérer ce matériel. Comme je savais qu'il y avait de la vidéosurveillance, je lui ai dit, mais t'es sûre, t'as rien pris dans les locaux. Et à la fin, on en était arrivé à la seule conclusion qui s'imposait, c'est que, et pour le coup, c'était juste, il y avait eu une nuisance de la part de certains salariés et elle avait fait l'objet de dénonciations calomnieuses au sein de l'entreprise. Et ça, c'est... C'est assez détestable de poser des questions. T'es sûr que t'as rien pris dans les locaux en dehors de ce que t'avais besoin ? Mais on essayait vraiment de chercher à comprendre ce qui pouvait lui être reproché lors de l'entretien, puisque ça permet quand même de préparer la défense. Oui, on va voir justement comment le préparer, mine de rien, même si on n'a pas d'infos, hein, de toute façon. Oui. Alors, quel type de convocation à un entretien préalable sont recevables ? Bah en fait, il n'y en a que deux types. Hein. Vu que la loi elle est très claire dessus, c'est l'article 1232-2 du Code du travail. La convocation à un entretien préalable, elle ne peut se faire que de deux manières. Soit par une lettre recommandée avec accusé de réception, soit par une remise en main propre contre décharge. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut toujours la question de la preuve. Hein, de toute façon, en droit du travail, ça va être que si on doit aller devant les prud'hommes, il faut que l'employeur puisse justifier de la démarche qu'il a effectuée et que tout est en règle. Donc, du coup, par rapport à cette convocation, toi, Myriam, même si effectivement l'objet n'est pas mentionné, comment toi, en tant qu'élu CSE et qui a déjà assisté à des procédures de licenciement, comment toi, tu prépares l'entretien avec les salariés ? Alors, relire déjà les textes, c'est un peu la base, mais on ne le dira jamais assez. Relire la convention collective. Il peut y avoir dans certaines conventions des dispositions spécifiques en cas de sanctions disciplinaires. Et bien relire le règlement intérieur de l'entreprise. Ça m'a été déjà utile lors de certains entretiens. Et si certains employeurs nous écoutent, c'est un document vraiment très important, le règlement intérieur. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. Mais normalement, dans le règlement intérieur, il y a toute une partie qui concerne justement les sanctions disciplinaires, ce qu'on peut reprocher à un salarié ou pas. Et c'est vraiment important. Alors ensuite, il y a tout un aspect humain. Parce que le salarié qui reçoit sa convocation préalable à un licenciement est sous le choc. La plupart du temps, ça lui est jamais arrivé. Donc, il faut vraiment être dans l'empathie, expliquer le rôle qu'on tiendra, lui expliquer précisément comment toute la procédure va se dérouler pour éviter qu'il ne soit surpris. Il faut, donc, comme on l'a dit juste avant, essayer d'anticiper ce qui risque d'être reproché aux salariés afin de préparer déjà des réponses à faire à l'employeur ensemble, en détaillant les différentes possibilités. Il faut également savoir si le salarié souhaite rester dans l'entreprise ou pas. Puisque là, le mode de défense changera également. Et vraiment quelque chose qui me paraît important en termes humains et qui a toujours été très apprécié par les salariés que j'ai eu à assister, c'est le jour de l'entretien, avant l'entretien, prendre du temps avec le salarié pour l'aider à se détendre et lui rappeler qu'il n'ira pas seul face à l'employeur, qu'on est à ses côtés pour l'aider à prendre la parole et pour l'aider à se défendre. Super. Alors, au niveau du déroulement de l'entretien, j'ai une slide de retard. Donc, comment se déroule l'entretien et comment aider le salarié à mieux se défendre ? Alors, grossièrement, l'entretien préalable va se dérouler en deux parties. Hein. L'entretien préalable, le but, c'est d'engager justement une discussion entre l'employeur et le salarié sur les faits qui sont reprochés. Donc, comme je viens de vous le dire, ça se déroule en deux étapes. Dans un premier temps, l'employeur va exposer au salarié précisément les motifs qui justifient le potentiel, le licenciement ou sanction disciplinaire qui va aller avec. Et le but derrière, c'est que le salarié, lui, va disposer d'un second temps pour pouvoir justement apporter ses propres explications avec une volonté derrière de trouver une solution amiable pour éviter la sanction qui va derrière. Maintenant, comment aider le salarié ? Comment toi, justement, lors des entretiens, purement vraiment de l'entretien, comment toi, tu as pu aider les salariés que tu as pu assister ? Alors, moi, sur le déroulement, il y a certaines fois où ça s'est effectivement déroulé en deux temps. L'employeur qui expose les griefs, le salarié qui répond. Dans ce genre de conditions, il faut vraiment conseiller au salarié de prendre des notes sur tout ce que dit l'employeur pour pouvoir vraiment répondre point par point à ce qui lui est reproché. C'est vraiment essentiel. Dans certains cas, il m'est arrivé d'assister à des entretiens où c'était plutôt un échange entre l'employeur et le salarié et du coup vraiment à chaque point l'employeur donnait la parole au salarié et lui permettait de se justifier. Je me souviens notamment donc d'une salariée qui elle a refusé de prendre toute note pendant l'entretien. Et là, pour le coup, c'était, comme tu le disais, un entretien vraiment en deux parties avec l'employeur qui expose ses griefs et le salarié qui répond ensuite. Elle s'est retrouvée en guise de défense à juste dire « c'est vraiment injuste ». Ça n'a aucun poids sur l'employeur. Il faut vraiment argumenter sur les différents griefs. D'accord. Et la personne qui assiste le salarié, elle aussi doit prendre le plus de notes possible, déjà pour éventuellement redonner la parole au salarié au cours de l'entretien si on sent qu'il n'a pas répondu à un des reproches qui lui étaient faits. Donc, reposer une question pour lui donner l'occasion de se justifier. Et puis, ces notes seront surtout très utiles pour le compte-rendu de l'entretien dont nous parlerons un petit peu plus tard au cours de la webconférence. D'accord, super. Alors, la personne qui assiste le salarié peut-il prendre la parole au cours de l'entretien ? Oui, c'est même fortement du coup conseillé, puisque comme tu viens de l'expliquer, le but de la personne qui va assister le salarié, ça va être effectivement de le guider et de l'aider donc dans la démarche face à l'employeur. Donc, ça va être effectivement de rappeler également aux deux parties que effectivement il y a des règles dans la procédure, mais également dans le règlement intérieur. Ça l'aider également donc dans les règles de droit ou dans les choses qui lui sont reprochées, mais également du coup de l'aider tout simplement. Donc oui, il n'y a aucune interdiction légale et même du coup d'un point de vue général, c'est conseillé que celui-ci interagisse. Maintenant, tout dépend de la situation, tout dépend des faits qui sont reprochés et tout dépend de effectivement si la procédure a été respectée. Voilà grossièrement ce qu'il en est. Mais justement, on va en discuter du compte-rendu dans la question d'après. Alors, si cette question est présente, c'est que je sais pertinemment que certains employeurs ne se privent pas de reléguer l'assistant du salarié au simple rôle de témoin. C'est ce qui m'est arrivé lors du premier entretien préalable auquel j'ai assisté avec un salarié. Je venais à peine d'être élue. C'est une anecdote que j'avais racontée un petit peu sur LinkedIn pour les personnes qui me suivent sur ce réseau. Je venais vraiment à peine d'être élue puisque le deuxième tour des élections n'avait pas eu lieu. Donc, j'aime autant vous dire que la formation des élus, il n'en était pas question. Et l'employeur, du coup, avait essayé de profiter de mon inexpérience en me disant « Non, toi, tu es là pour écouter, pour prendre des notes, tu ne participes aucunement des débats. » Et comme vient de nous le rappeler Gwenaëlle, ce n'est absolument pas le cas, rien ne nous interdit de le faire et au contraire, c'est vivement recommandé. Ça peut permettre aussi, dans certains cas, de demander à l'employeur des explications complémentaires. Je me souviens notamment du cas d'une salariée, donc c'est celle qui avait été victime de dénonciations calomnieuses de la part de certaines collègues, où la question de l'obtention de la preuve se posait puisque son licenciement était basé de manière très ubuesque sur deux posts Facebook de personnes étrangères à la boîte, enfin à l'entreprise, pardon. Sur ces deux comptes, ces deux publications étaient faites sur le compte privé de ces deux personnes étrangères à l'entreprise. Donc, il fallait être amis sur Facebook, puisqu'il s'agissait de Facebook à ce moment, enfin pour ce cas-là, pour pouvoir avoir accès à ces informations. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent se poser. Alors, quels sont les points essentiels auxquels il faut faire attention pour la rédaction du compte-rendu ? Et autre question que se posent très fréquemment les élus, doit-il être obligatoirement signé par l'employeur ? D'accord. Alors, du coup, concrètement, ce qui va être important dans le compte-rendu pour l'assistance du salarié, ça va être de retracer l'ensemble des échanges qu'il va y avoir lors de l'entretien. Il n'est pas nécessaire que, du coup, ça retranscrive tout parfaitement, mais il doit y avoir les idées générales qui doivent être retranscrites et les échanges qu'il y a eu. La question, effectivement, de savoir est-ce que l'employeur doit signer obligatoirement le compte-rendu ? Non, légalement parlant, il n'y a aucune obligation que celui-ci le soit. Mais effectivement, ça a été rappelé par la jurisprudence, mais si le compte-rendu, effectivement, est contresigné par l'ensemble des parties présentes du coup, lors de l'entretien préalable, ce compte-rendu aura une force probante au prud'homme si le salarié souhaite contester son licenciement. Mais du coup, si le compte-rendu à défaut n'est pas signé, par contre, effectivement, ça n'aura pas de valeur probante. Mais en contrepartie de cela, s'il le souhaite, la personne qui a assisté le salarié aura le droit de témoigner, pour la procédure de contestation. Voilà ce qu'il en est. Alors effectivement, oui, ce compte rendu doit être vraiment très complet et le plus objectif possible, comme tu le disais, parce que c'est vraiment une pièce qui est essentielle pour les prud'hommes, enfin si le litige va jusqu'au prud'homme. Et ce qui est très important, entre autres, c'est qu'il fixe, en fait, tu me diras si je me trompe, hein, Gwenaëlle, mais il fixe les griefs qui sont reprochés par l'employeur aux Exactement. salariés. Donc, l'employeur, en cours de procédure, ne pourra pas rajouter d'autres griefs qui n'ont pas été mentionnés dans l'entretien. Enfin, parfois, certains comptes rendus ont vraiment, oui, contresignés par l'employeur, comme tu le disais, ont vraiment une valeur probante. Je me souviens notamment d'une fois, un entretien où c'était encore un licenciement assez incompréhensible. Et tout le long de l'entretien, je n'avais eu de cesse de dire, mais je ne comprends pas. On reproche à une salariée des faits qui se sont déroulés dans le cadre de sa vie privée. Alors, certes, ça concernait des clients et des prestataires de services, mais c'était pris sur le temps privé de la salariée et je m'étais assurée que dans le règlement intérieur de l'entreprise, il n'y avait justement rien qui était fixé sur les rapports entre salariés et clients et prestataires. Et c'était le cas. Donc, pendant tout l'entretien, je n'ai vraiment eu de cesse de marteler le fait que là, on reprochait quelque chose qui s'était passé dans le cadre du sein privé de la vie de la salariée. Le DRH avait une phrase malheureuse, un petit peu pour mettre fin sans doute à mon insistance, puisqu'il avait, il avait dit on se trompe peut-être, mais on assume, ou on assumera. Phrase que j'ai bien évidemment rédigée mot pour mot dans le compte rendu parce que celle-là était vraiment gravée dans nos mémoires tant elle était inattendue et inespérée. Et j'ai malgré tout réussi à faire signer ce compte rendu à l'employeur et la salariée a bien évidemment gagné au prud'homme par la suite. Voilà. D'où l'importance, effectivement, que le compte rendu soit signé par les deux parties, Tout à effectivement. fait. Alors, après l'entretien, donc que doit-on voir avec le salarié? Du coup, après l'entretien, justement, que doit-on voir avec le salarié? Toi, qu'est-ce que tu vois avec le salarié, lors de celle-ci? Alors, moi, je lui donne Grossièrement. souvent. Je lui donne souvent mon ressenti sur la manière dont s'est passé l'entretien, enfin déjà sur le fond, sur les faits reprochés, si ça me paraît recevable ou pas. Bon, je tente de savoir si le salarié compte saisir les prud'hommes, et du coup, j'essaye de lui dire si, à mon sens, c'est jouable. De toute façon, je l'invite forcément à se rapprocher d'un avocat s'il veut aller au prud'homme, puisque seul un professionnel tel qu'un avocat pourra vraiment être affirmatif sur les chances qu'il peut avoir de gagner la procédure. Il faut rester en contact avec le salarié derrière également pour vérifier le délai d'envoi de la lettre de licenciement hein, dont tu parlais tout d'abord Oui. au tout début de la webconférence. L'aider éventuellement également à négocier des indemnités de licenciement ou à contester la sanction. Ce qui est assez important, à mon sens, pour les représentants du personnel, c'est vraiment rester en contact avec le salarié tout au long de la procédure et se tenir informé de l'issue du jugement. Parce que bon, il faut bien évidemment pas compter sur l'employeur pour en CSE lors de information consultation obligatoire sur la politique sociale avoir tout un chapitre sur alors nous avons eu tant de litiges au prud'homme cette année et nous en avons gagné tant et perdu tant. Non, c'est vraiment vous représentant du personnel, enfin nous représentants du personnel qui devons constituer un petit peu cette annexe de la BDESE qui nous est propre. Super. Alors, nous allons pouvoir avoir la réponse au sondage. Alors, est-ce que... Alors, que je regarde vos réponses. Donc, est-ce que la DRH d'une filiale de l'entreprise peut assister l'employeur lors de l'entretien préalable? Et nos internautes ont répondu vrai à 83%. Et bah, du coup, la réponse, elle est fausse. Je suis désolée d'aller en contresens, effectivement, de l'avis général. Mais en tout cas, moi, je vais dans le sens que de la jurisprudence et même de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 20 octobre 2021, il a été rappelé qu'effectivement, la DRH de la filiale de l'entreprise ne peut pas assister l'employeur lors de l'entretien préalable. Pourquoi ? Parce qu'il a été rappelé lors de cet arrêt que la personne qui assiste l'employeur doit être une personne qui travaille de manière effective dans l'entreprise concernée par justement cet entretien préalable. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la DRH de la filiale ne peut pas. Il peut être assisté de la RH de la société, mais pas la DRH de la filiale. Ça ne fonctionne pas. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va procéder, on va répondre aux questions de nos internautes. Alors, vos questions sont très nombreuses. N'hésitez pas, Mylène vous a envoyé un lien qui vous permettra de poser gratuitement votre première question à nos juristes. Donc, n'hésitez pas à vous en servir parce que nous n'aurons malheureusement pas le temps de répondre à toutes. Quelques questions. Est-ce qu'un salarié qui a eu un entretien préalable en vue de licenciement peut travailler dans une autre entreprise alors qu'il n'a pas reçu sa lettre de licenciement ? Certains employeurs mettent en effet du temps à envoyer la fameuse lettre de licenciement. Non, alors je réponds tout de suite à la question, puisqu'il y a un principe du coup qui est que entre l'entretien préalable et effectivement la notification de licenciement, le salarié est toujours salarié du coup de l'entreprise. Du coup, il ne peut pas aller effectivement travailler dans une autre entreprise, puisque du coup il y a le principe quand même de loyauté. En plus de cela, suite à l'entretien préalable, comme je l'ai rappelé précédemment, il n'y a pas nécessairement à la fin un licenciement, d'accord ? Il peut y avoir une remise du coup en question donc de la part de l'employeur sur les faits qui sont reprochés et du coup une annulation effectivement de cette procédure. Donc non, un salarié ne peut pas aller à travailler ailleurs tant qu'il n'a pas reçu la notification. Pour rappel, les délais légaux qui sont prévus par la loi, c'est entre 2 jours et 1 mois. C'est au-delà de 1 mois que là effectivement le salarié peut intenter une action pour un vice de procédure et également aller trouver du travail ailleurs puisque là il y aura une irrégularité. Très bien. Alors, autre petite question. Une fois l'employeur prévenu que le salarié va être assisté, peut-il refuser le fait que le salarié soit assisté ? Alors, non. Dans les faits, non. L'employeur ne peut absolument pas refuser effectivement que le salarié soit assisté. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de son droit le plus absolu, sachant que le fait d'être assisté pour un salarié, c'est un article de loi qui est prévu dans le Code du travail. Cet article de loi, il est d'ordre public. Pour vous vulgariser, ça veut dire que concrètement, aucun texte ne peut déroger à ce principe-là. Donc, une fois qu'effectivement le salarié est assisté, l'employeur ne peut pas refuser. Potentiellement, il pourrait refuser si effectivement la personne qui assiste le salarié, n'est pas une personne habilitée pour. Je prends l'exemple typiquement d'une question qu'on a très souvent, c'est est-ce que le salarié peut se faire assister d'un avocat lors de l'entretien préalable ? Non, ce n'est pas une personne habilitée par le Code du travail. Et sur ce motif-là, par contre, l'employeur pourrait refuser. D'accord, merci beaucoup. Alors, On va prendre juste une dernière question. Est-ce qu'une lettre de convocation envoyée par email, si le salarié est en télétravail, est un vice de forme ? Oui, puisque pour rappel, vraiment, le Code du travail, il est très strict dessus. Il n'impose que deux types d'envoi de lettres de convocation. C'est ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature. Tout autre moyen n'est pas prévu par le Code du travail et donc entraînera un vice de procédure. Très bien. Merci encore, Gwenaëlle, pour tes précieuses explications. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à nos juristes. Mylène vous a renvoyé le lien. N'hésitez pas à le faire, puisque la première question posée est totalement gratuite et sans engagement. Donc, vous pouvez également aller plus loin sur ce sujet grâce à nos dossiers et nos modèles de lettres. Nous avons donc tout un dossier sur la procédure disciplinaire et le rôle du CSE dans l'assistance des salariés. Et je vous ai également mis le lien d'un modèle de lettres que vous pouvez fournir aux salariés concernés pour contester une sanction prononcée de manière irrégulière. Je vous rappelle également nos accompagnements juridiques que nous proposons sur Jury Travail, donc qui vous donnent accès à notre équipe de juristes, mais également à l'intégralité de notre base documentaire. Ça vous fera gagner vraiment un temps précieux dans votre mandat. Donc, n'hésitez pas à regarder ces offres attentivement, puisque c'est vraiment un atout essentiel pour les élus de CSE. Enfin, je vous invite à notre prochaine webconférence, donc qui est assez éloignée dans le temps. Vacances scolaires oblige, puisque ce sera donc le 14 mai à 14h. Nous traiterons du sujet de la discrimination syndicale et nous vous donnerons des pistes pour vous aider à l'identifier et à l'approuver. Enfin, chez Jury Travail, nous sommes très attachés à l'avis de nos clients et donc de nos spectateurs, en l'occurrence pour la webconférence. Donc, n'hésitez pas à nous laisser votre avis. Il en sera tenu compte pour les prochaines webconférences. Donc, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, Gwenaëlle, pour tes explications très claires. Et je te dis à bientôt pour la prochaine webconférence, du coup. À bientôt, Myriam. À bientôt, tout le monde, peut-être. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur une webconférence de Jury Travail. Au revoir. Au revoir.